Chapitre 4e. À la recherche d'un inventeur. À Paris, sans patience, sentit la nécessité de mettre un frein à son caractère de soupe-au-lait. De fait, il eut bien de ci de là quelques altercations avec des garçons de restaurant ou des cochers, mais comme dans l'espace de 8 jours, il ne fut emmené que 3 fois au poste pour s'expliquer, on peut penser que ce fut dans la capitale qu'il commença à s'amender. Il passa son temps à courir chez les ingénieurs conseils qui s'occupent de la prise de brevets d'invention, puis dans les bureaux des journaux scientifiques ou autres qui peuvent être à même de connaître les nouveautés du jour dans le domaine de la mécanique appliquée, et enfin dans les milieux fréquentés par les aviateurs et les constructeurs en renom. Comme il déclarait à tous et partout qu'il était à la recherche d'un inventeur ayant une conception à la fois nouvelle et pratique de l'aviation, il reçut bientôt une avalanche de lettres et un torrent de visites à l'hôtel de l'avenue de la Motte-Piquet où il était descendu. Sans patience eut la patience de recevoir ainsi 25 inventeurs et celle, plus méritoire encore, de les écouter tous jusqu'au bout. Tous devaient naturellement bouleverser le monde avec leurs conceptions respectives. Sans patience jugea tout de suite qu'ils n'avaient réussi qu'à bouleverser leur propre cerveau. Il n'y avait dans leur fatras que de l'imitation ou de l'utopie. Ce fut le 26e qui trinqua pour les autres. Son système avait du moins le mérite de l'originalité. Il consistait en un appareil semblable à un grand cerf-volant cloisonné que des ressorts puissants, convenablement disposés, lançaient en l'air à une certaine hauteur. Cette hauteur atteinte, les plans de sustentation étaient disposés obliquement et l'appareil descendait en progressant suivant une pente idéale avec une vitesse sans cesse croissante. Quand il arrivait à terre, la violence du choc faisait se tendre les ressorts qui se détendaient aussitôt, projetant l'appareil en l'air et ainsi de suite. L'infortuné inventeur eut le grand tort de ne pas se munir de ses ressorts amortisseurs et de lancement, ainsi qu'il les appelait, car sans patience, le prenant par le bras, oublia, en le congédiant avec une certaine brusquerie, que sa chambre était au 3e. L'inventeur au ressort descendit donc sur ses reins jusqu'à l'entresol. Il ne demanda d'ailleurs pas son reste et, aussitôt relevé, il s'enfuit épouvanté. Pourtant, un inventeur se présenta encore et ce fut le bon. Mais sans patience faillit le manquer grâce à son détestable caractère, redevenu d'autant plus hargneux qu'il s'était fait violence depuis quelque temps pour contenir ses emportements. L'épisode vaut la peine d'être conté. Le 8e jour de son voyage, sans patience se trouvait dans sa chambre où il venait de remonter après déjeuner afin de réfléchir. Il était en train de se demander s'il ne devait pas faire sa malle et repartir pour Verdun afin d'y préparer son voyage par l'itinéraire terrestre, quand on frappa sa porte, et un homme entra, assez grand, le visage pâle, le front intelligent, l'air doux et modeste et mis très simplement. Il se présenta sous le nom d'Antoine Dubois, ingénieur. « Monsieur, dit-il ensuite, on m'a rapporté que vous cherchiez un inventeur ayant réalisé des perfectionnements applicables aux aéroplanes. Puis-je vous demander de quel perfectionnement il s'agit ? De perfectionnement tel, monsieur, qu'il puisse me permettre de couvrir une distance de près de 6 000 km sans me ravitailler. » Antoine Dubois ne parut pas étonné. « De sorte que ce qui vous intéresse le plus est la question du moteur. Principalement, oui. Toutefois, je désirais pouvoir disposer d'un appareil aussi parfait que possible à tous les autres points de vue. C'est tout naturel et je crois la chose réalisable. À part le moteur, les appareils actuels pèchent surtout sur 2 points, la fragilité relative des ailes et l'équilibre. La fragilité des ailes est plus particulière au monoplan. Mais comme ce genre d'appareil, quoique moins sûr, est plus vite et plus maniable que l'autre, c'est évidemment celui de l'avenir, et comme tel, on doit tendre à le perfectionner de plus en plus. Sous ce rapport, j'ai dessiné une nouvelle forme de monoplan avec aile métallique extrêmement robuste et qui, de plus, réalise le problème de l'équilibre automatique dans les 2 sens. Malheureusement, je n'ai pas eu jusqu'ici le moyen de faire construire un appareil d'essai. « Qu'à cela ne tienne, » dit sans patience, impressionné par le ton d'assurance modeste de son interlocuteur, qui lui était décidément sympathique. « Nous aviserons quant à ce détail. Mais voudriez-vous me parler de la question moteur ? J'y arrive, monsieur. » Je me suis passionné depuis longtemps déjà pour cette question des moteurs à explosion. si perfectionné qu'il soit. Il existe encore de nombreuses causes de déperdition de force, provenant soit de l'utilisation imparfaite de l'énergie employée, soit de la perte de calories. Je crois avoir réalisé un perfectionnement important en créant le moteur à explosion rotatif, dont le mouvement est originellement circulaire, et avec lequel je réalise une consommation de carburant inférieure de plus de moitié à celle des moteurs actuels de force égale. À combien reviendraient ensemble votre nouveau moteur et votre nouveau type d'aéroplane ? Dans les 30 000 francs. Et que vous faudrait-il de temps pour les faire construire ? Environ un mois. Êtes-vous sûr de vous ? Pour l'aéroplane, oui. Le calcul est tout, et il n'est, pour ainsi dire, pas besoin d'essai. En ce qui concerne le moteur, il y a beaucoup de détails à voir, et il serait peut-être prudent de prévoir des tâtonnements. Pour une randonnée de 6 000 km, combien faudrait-il emporter d'essence ? Environ 600 litres, avec mon appareil et mon moteur à consommation réduite, plus 100 kg d'huile. Pouvez-vous voir tout de suite combien il vous faudrait de surface portante pour emporter cet approvisionnement d'huile et de carburant, augmenté du poids de l'appareil lui-même et de 2 passagers ? Antoine Dubois fit de tête un rapide calcul et répondit « un peu plus de 70 mètres carrés ». N'en résultera-t-il point une envergure exagérée ? C'est une question de proportion. À vue de nez, l'envergure serait de 16 à 18 mètres. L'on n'est certes pas encore habitué à de pareilles dimensions, mais je suis persuadé qu'on y viendra. Quelle force aurait votre moteur ? 40 chevaux seulement. Et la vitesse ? 150 km à l'heure par temps calme. C'est ici que se produisit l'incident qui gâte à tout. Et vous n'êtes pas sûr de pouvoir mettre d'emblée votre moteur au point ? Demanda sans patience. Non. Répondit franchement Antoine Dubois. Il me faudra au moins 2 mois pour avoir toute sécurité à ce sujet. Mais il m'est venu une idée. Si, comme je le pense, il s'agit de traverser l'Atlantique, qu'est-ce que vous dites ? S'écria sans patience, déjà tout hérissé. Mais, répondit l'autre interloqué, je supposais que... Vous supposiez ? Vous supposiez ? Qu'est-ce qui vous parle de supposer ? Vous n'êtes pas ici pour supposer, monsieur. Je croyais. Quoi ? Rugit sans patience, dans un véritable hurlement, et en se levant d'un bond les poings serrés. Et sa voix était si rauque, ses yeux si désorbités, sa figure si terrible, que le pauvre ingénieur crut de bonne foi avoir affaire à un fou furieux. Affolé, épouvanté, il se leva et s'enfuit sans en demander davantage, oubliant son chapeau et sa canne, et sans patience l'entendit descendre les étages comme un tourbillon. L'accès de colère de notre héros était déjà passé. Il se précipita dans l'escalier à la poursuite de son épouvanté visiteur, dans l'intention louable de lui faire les plus plates excuses, afin de pouvoir reprendre une conversation qui l'intéressait fort. Mais lorsqu'il arriva en trombe à la porte d'entrée de l'immeuble, il ne vit dans l'avenue aucune silhouette ressemblant à celle d'Antoine Dubois. « Allons, » murmura-t-il en remontant mélancoliquement ses 3 étages. « Mon oncle avait décidément raison. » Ce satané caractère finira par me jouer un mauvais tour. Il faut que je me décide à changer. »